Chapitre 4. Cyénite, taillée et polie. N'importe quoi, se dit Cyénite, derrière l'écran d'un sourire engageant. Son expression ne laisse paraître en rien qu'elle se sent humiliée. Elle ne bouge pas non plus d'un cheveu sur sa chaise. Ses mains, quatre de ses doigts sont ornés d'anneaux tout simples, respectivement de cornaline, d'opale blanche, d'or et d'onyx, restent posées sur ses genoux, hors de vue de Feldspath. Elle pourrait serrer les poings sans que son interlocutrice le sache. Elle n'en fait rien. Les récifs coralliens représentent un véritable défi, vous savez. Les mains de Feldspath sont quant à elles occupées par une grande tasse de sein en bois, au-dessus de laquelle elle sourit également. Elle sait très bien ce que dissimule l'expression suave de Cyénite. Contrairement à la pierre ordinaire, le corail est poreux, flexible. Il est difficile de parvenir au contrôle de précision nécessaire pour le briser sans déclencher un tsunami. Cyénite pourrait le faire dans son sommeil. Une deux anneaux pourrait le faire. Un grain de poussière, quoique pas sans des dommages collatéraux importants, c'est vrai. Elle s'empare de sa propre tasse, hémisphère de bois qu'elle fait tourner entre ses mains pour en maîtriser le tremblement, avant de siroter une gorgée de sein. Je suis heureuse que vous m'ayez donné un mentor, Seigneur. Non, vous ne l'êtes pas. Toujours souriante, Feldspath sirote à son tour un peu de sein, petit doigt bagué en l'air. On dirait un concours d'étiquettes privées. Le plus beau sourire hypocrite remporte la mise. Si cela peut vous consoler, sachez que nul n'en aura moins bonne opinion de vous. Parce que chacun saura de quoi il s'agit, en réalité. Certitude qui n'efface pas l'insulte, mais dont Cyénite tire un certain réconfort. Et puis, au moins, son tout nouveau mentor est un 10 anneaux. Ce dont elle tire également un certain réconfort. Ça signifie qu'on a en effet bonne opinion d'elle. Elle triturera cette histoire au maximum pour en exprimer jusqu'à la dernière trace d'amour-propre. « Il vient de terminer une tournée des Moyers Sud », reprend Feldspath d'une voix douce. La conversation n'a par essence aucune douceur, mais Cyénite est sensible aux efforts de la Seigneur. Il devrait bénéficier d'un plus long repos avant de repartir en voyage, mais le gouverneur du Quartan a insisté pour que nous occupions au plus vite du port d'Alia. C'est vous qui lèverez le blocage. Votre mentor se contentera de superviser les choses. Il devrait vous falloir environ un mois pour vous rendre là-bas sans vous presser, à condition que vous émettiez les grands détours. De toute manière, il n'y a pas urgence, puisque le problème du récif corallien n'est pas exactement nouveau. » Sur ces mots, Feldspath alla réellement, quoique brièvement, agacé. Le gouvernement du Quartan d'Alia a dû se montrer particulièrement pénible, à moins que ce ne soient les dirigeants d'Alia. Depuis que Feldspath est devenu sa seigneur attitrée, il y a de cela des années, Cyénite ne lui a jamais vu plus grise mine qu'un sourire hésitant. Elles connaissent toutes deux les règles. Les orogènes du Fulcrum, les orogènes impériaux, les bêtes noires, ceux qu'il faudrait sans doute mieux éviter de tuer, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont censés se montrer en permanence polis et professionnels. Les orogènes du Fulcrum sont censés donner en permanence une impression d'assurance et de compétence, du moins en public. Les orogènes du Fulcrum sont censés ne jamais exprimer la moindre colère, pour ne pas mettre les fixettes mal à l'aise. Mais Feldspath ne commettrait pas l'incorrection d'utiliser un terme aussi insultant que « fixette ». Voilà pourquoi c'est une seigneur, responsable d'un certain nombre de supervisions, alors que Cyénite arrondit seule ses propres angles. Si elle veut atteindre le niveau de Feldspath, il va falloir qu'elle prouve son professionnalisme, et qu'elle se plie à quelques contraintes supplémentaires, semble-t-il. « Quand suis-je censée faire sa connaissance ?» demande-t-elle avant de siroter un peu de sein, pour donner à sa question un air désinvolte. Simple bavardage entre amis. « Quand vous voudrez. » Feldspath hausse les épaules. « Ces quartiers se trouvent dans l'aile des seniors. Nous lui avons envoyé nos instructions avec une convocation à cette réunion. » Une légère irritation s'inscrit à nouveau sur ses traits. La situation doit les exaspérer au plus haut point. Mais il est possible qu'il ait dormi de lire notre message, puisque, comme je vous le disais, il se repose de sa tournée. Voyager n'est pas facile, ne serait-ce que dans les montagnes de Likesh. Il était seul ? On n'exige pas des 5 anneaux et plus qu'il se fasse accompagner d'un partenaire ou d'un gardien, lorsqu'il quitte le Fulcrum. Elle sirote son sein, inconsciente du saisissement de Cyénite. À partir de là, on nous estime assez maîtres de notre orogénie pour nous accorder un minimum d'autonomie. 5 anneaux. Cyénite en a 4. Et leur nombre ne dépend en rien de la maîtrise de l'orogénie. Ça, ce sont des âneries. Si un gardien doute qu'un orogène soit prêt à se plier aux règles, L'orogène n'obtient jamais son premier anneau, sans parler du cinquième, mais... Alors nous serons seuls, tous les deux? Oui. Nous nous sommes aperçus que c'était la configuration la plus efficace dans ce genre de circonstances. Évidemment. Vous le trouverez à la prééminence travaillée. Il s'agit du complexe de bâtiments où logent la plupart des seigneurs de Fulcrum. Tour principale, dernier étage. Les orogènes de plus haut rang n'ont pas de quartier séparé, étant donné leur nombre réduit. C'est pour l'instant notre seul dit anneau. Mais il nous a au moins été possible de lui ménager là-haut un peu d'espace supplémentaire. Merci. Sinit fait à nouveau tourner sa tasse entre ses mains. J'irai le voir en repartant. Feldspas reste un long moment silencieuse, encore plus agréablement indéchiffrable que de coutume. La visiteuse se tient donc sur ses gardes lorsqu'arrive la déclaration suivante. En tant que Dizano, il a le droit de refuser toute mission, sauf en cas d'urgence déclarée. Mieux vaut que vous en soyez informé. Attends un peu. La tasse s'immobilise entre les doigts de si... Pardon. La tasse s'immobilise entre les doigts de Sienit, dont le regard se lève le temps de croiser celui de Feldspas. La seigneur a-t-elle réellement dit ce que sa Benjamine a cru comprendre? Impossible. Sienit plisse les yeux, sans plus chercher à masquer sa méfiance. Son hôtesse lui a bel et bien indiqué une sorte de sortie. Mais pourquoi? Feldspas a un sourire froid. J'ai 6 enfants. Ah. Il n'y a rien à ajouter. Sienit replonge le nez dans sa tasse en s'efforçant de contenir la grimace qui lui monte aux lèvres quand elle arrive au dépôt crayeux du fond. Personne n'aime le sein, si nutritif soit-il. Il s'agit d'une sève qui change de couleur en présence de n'importe quel contaminant, y compris la salive. On en sert lors des réunions parce que, ma foi, c'est sain. Ça revient à dire poliment, je ne cherche pas à vous empoisonner, du moins pas encore. Sienit prend congé de Feldspas puis quitte le principal, le bâtiment administratif. Le groupe de construction moins imposante qui l'entoure se trouve au bord de l'anneau des jardins, la ceinture d'espace vert du Fulcrum. Une bande de terrain non construit, par endroits en friche, de plusieurs kilomètres de long sur quelques hectares de large. La taille de l'anneau donne une idée de l'immensité du Fulcrum. C'est une ville en soi, lovée dans le corps plus démesuré de l'humaine, comme... Oh bon. Sinit aurait bien conclu sa pensée par « comme un enfant dans le ventre de sa mère », mais la comparaison lui paraît ce jour-là particulièrement grotesque. Elle salue de la tête les collègues juniors de sa connaissance qu'elle croise en chemin. Certains ne font que passer, d'autres se sont assis en groupe pour discuter, d'autres encore lisent, flirtent ou dorment, paresseusement installés dans l'herbe ou les fleurs. Les orogènes à anneaux mènent une vie facile, sauf lors des missions qui les entraînent hors les murailles du Fulcrum. Mais elles sont aussi rares que brèves. Une poignée de poussière parcourt le chemin pavé sinueux d'un pas lourd, à la queue leu-leu, sous la supervision des instructeurs. Des volontaires juniors. La poussière n'est pas encore autorisée à jouir des jardins, privilège réservé aux orogènes qui ont passé l'examen du premier anneau et que les gardiens ont jugé dignes d'être initiés. Comme si cette pensée les avait évoqués, Sienit en repère un petit groupe à leur uniforme bordeaux, près d'un des nombreux étangs de l'anneau. Un de leurs pères s'est confortablement installé sur la rive opposée, dans une alcôve entourée de rosiers, d'où il écoute avec courtoisie un jeune junior chanter pour un auditoire restreint, assis à proximité. Peut-être écoute-t-il en effet le chanteur avec courtoisie. Il arrive aux gardiens de faire ce genre de choses. Il leur arrive parfois d'avoir besoin de se détendre. Eux aussi. Toutefois, le regard du solitaire s'attarde sur un des auditeurs, un mince jeune homme livide, qui n'a pas l'air de prêter grande attention au spectacle, puisqu'il contemple ses propres mains, croisées sur ses genoux. Le bandage qui entoure deux de ses doigts les empêche de se plier et de s'écarter. Sienit continue son chemin. Elle passe d'abord au Bouclier Courbe, une des nombreuses résidences où vivent les centaines de juniors. Ses compagnes de chambre ne sont pas là pour la voir prendre dans son coffre les quelques affaires nécessaires, mais elle n'en éprouve qu'un soulagement inconfortable. Les commérages les informeront bien assez tôt de la mission qui lui a été confiée. En ressortant, elle gagne cette fois la prééminence travaillée. La tour trapue fait partie des premières constructions du Fulcrum, avec ses blocs de marbre blanc pesant et ses angles banals, atypiques, au sein de l'architecture plus fantaisiste, plus rebelle de l'Oumen. Ces grandes doubles portes ouvrent sur un vestibule spacieux, mais gracieux, au sol et au mur estampés de scènes tirées de l'histoire sandienne. sans presser le pas, si Enid salue de la tête les seigneurs présents, y compris ceux qu'elle ne connaît pas. Après tout, elle veut vraiment atteindre le niveau de Felspas, puis s'engage dans le large escalier. Elle le monte une marche à la fois, en s'arrêtant ici ou là, pour savourer les motifs soignés d'ombre et de lumière découpés par les fenêtres étroites. À vrai dire, elle ignore en quoi ces motifs sont si particuliers, mais il s'agit, comme chacun sait, d'une œuvre d'art époustouflante, qu'on doit donc la voir savourer. Au dernier étage, le soleil dessine des chevrons sur le tapis somptueux du palier. Elle s'immobilise le temps de reprendre son souffle et d'apprécier en toute sincérité ce qu'elle découvre là, le silence, la solitude. Le corridor est désert, puisqu'il ne s'y trouve pas même un junior débutant pour faire le ménage ou transmettre un message quelconque. Elle en a entendu parler. Maintenant, elle sait que c'est vrai. Le 10 anneaux à l'étage pour lui tout seul. Voilà donc la véritable récompense de l'excellence, l'intimité et le choix. Si Enid ferme brièvement les yeux, en proie à une envie douloureuse. Puis, elle gagne l'unique porte, devant laquelle se trouve un paillasson. Arrivée là, pourtant, elle hésite. Elle ne sait rien de cet homme. Il a atteint le rang le plus élevé de leur ordre, ce qui signifie que personne ne se mêle plus de ses affaires, à condition qu'il cantonne ses comportements embarrassants à la sphère privée. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a passé l'essentiel de sa vie sans disposer du moindre pouvoir, et n'a obtenu que récemment l'autonomie et les privilèges qui le placent au-dessus d'autrui. Des choses aussi insignifiantes que des perversions ou des violences ne lui coûteront pas son rang, pas si sa victime n'est qu'une orogène. Ses pensées ne servent à rien. Si Enid n'a pas le choix, elle. Elle frappe en soupirant. Et, parce qu'elle s'attend moins à une personne qu'à une épreuve à endurer, c'est avec surprise qu'elle accueille le « quoi encore » qui s'élève dans l'appartement. Avant qu'elle puisse décider que répondre, des pas claquent sur la pierre, rapides, exaspérés dans leur sonorité même. Puis la porte s'ouvre brusquement. Un homme la fixe d'un regard noir. La robe chiffonnée, les cheveux aplatis d'un côté de la tête, la joue tatouée d'une carte erratique par les plis d'un tissu quelconque. Plus jeune qu'elle ne s'y attendait, quoique pas jeune. Le double de son âge, ou peu s'en faut, 40 ans minimum, mais elle aurait cru, enfin. Elle a vu tant de 6 et 7 anneaux ayant entamé leur 6e ou 7e décennie que, pour elle, un 10 anneaux devait être vieux. Et plus calme, plus digne, plus maîtrisé, quelque chose comme ça. Le type ne porte même pas ses bagues, bien qu'on distingue sur certains de ses doigts une bande de peau un peu plus pâle, entre ses gesticulations coléreuses. « Quoi encore, au nom de toutes les secousses de toujours ?» Si Enid fixe le mécontent sans mot dire, attitude qui le pousse à tenter une autre langue, qu'elle ne connaît pas, mais qui lui rappelle vaguement les côtiers et exprime une exaspération indéniable. Après quoi il se passe la main dans les cheveux. Elle se retient de rire. Cette épaisse crinière frisée aurait grand besoin de soins pour être chic, mais le geste de son propriétaire n'a fait que l'embroussailler davantage. J'ai pourtant bien dit à Felspas et à ses casse-pieds gloussants du comité consultatif de me ficher la paix, continue le type dans un sens mat parfait, en cherchant manifestement à juguler son impatience. Je viens de terminer ma tournée. Je n'ai pas eu depuis 1 an 2 heures de tranquillité que je n'ai partagée avec un cheval ou un inconnu, alors si vous êtes ici pour me donner des ordres, je vous gèle sur place. Sans doute s'agit-il d'une hyperbole, mais il ferait mieux d'éviter ce genre-là. Il y a des sujets qui ne prêtent pas à rire au Fulcrum. Les règles officieuses le veulent ainsi. Mais peut-être un 10 anneaux n'en a-t-il cure. Des ordres ? Pas exactement, réussit à dire Sienit. Les traits de son interlocuteur se contractent. Alors je ne veux pas entendre ce qu'on vous a envoyé me dire. Allez-vous-en ! Il repousse la porte, prêt à la lui fermer au nez. Elle n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que... Franchement ? On lui inflige vraiment affront sur affront. C'est déjà assez pénible d'avoir à faire ça, mais en subissant en plus un mépris pareil. Elle place le pied sur le chemin du battant pour l'empêcher de prendre de la vitesse. « Je m'appelle Sienit, » lance-t-elle, penchée en avant. Son nom ne dit rien à l'inconnu, elle s'en aperçoit au regard furieux qu'il lui jette. Il inspire. Il va se mettre à hurler elle ne sait quoi. Mais elle n'a aucune envie de l'entendre. Aussi, ajoute-t-elle d'un ton sec. « Je suis là pour baiser, terre en feu. Vous croyez vraiment que ça vaut la peine de vous énerver comme ça pendant votre sieste ?» si horrifiée soit-elle par la colère et le langage qui se sont imposés à elle, une vive satisfaction l'envahit quand le type reste bouche bée. Il la laisse entrer. Suit un moment de gêne certaine. Assise à la table basse de la suite, une suite? Il dispose d'une suite meublée pour lui tout seul. Si Init regarde son hôte se tortiller sur le canapé à l'extrémité duquel il s'est littéralement perché. L'extrémité la plus éloignée, comme s'il avait peur de s'installer près d'elle. Je ne pensais pas que ça reprendrait si vite, marmonne-t-il, les yeux rivés sur ses mains, entrelacées devant lui. Enfin, on me dit, on me répète que c'est nécessaire, mais je n'ai pas. Il soupire. Alors, ce n'est pas votre première fois, constate Sienit. Il n'a gagné le droit de refuser qu'avec son dixième anneau. Non, non, mais. Il inspire profondément. Je ne savais pas forcément. Vous ne saviez pas quoi? Il fait la grimace. Les premières, je les croyais intéressées. Vous. Alors seulement, elle comprend. Le déni est toujours possible, bien sûr. Feldspath en personne ne lui a jamais asséné crûment. Votre mission est de produire un enfant dans l'année avec cet homme. Le non-dit est censé faciliter les choses. Mais Sienit n'en voit pas l'intérêt. À quoi bon dissimuler la réalité de la situation? Toutefois, il ne s'agissait manifestement pas de dissimulation en ce qui concerne son hôte. Ce qui la surprend fort, car franchement, comment peut-on être aussi naïf? Il lui jette un coup d'œil et sa mine s'allonge. Oui, je sais. Je vois, répond-elle en secouant la tête. Peu importe, ce n'est pas l'intelligence de ce type qui compte. Elle se lève et déboucle la ceinture de son uniforme. Là, comme ça? Demande-t-il les yeux ronds. Je vous connais même pas. Vous n'avez pas besoin de me connaître. Je n'ai aucune sympathie pour vous. Sienit n'en a pas non plus pour lui, mais se retient de souligner cette évidence. Mes règles sont terminées depuis une semaine, c'est une bonne période. Si vous préférez, vous n'avez qu'à vous allonger et me laisser m'occuper de tout. Il y a plus expérimenté qu'elle, mais ce n'est pas la tectonique des plaques. Elle se débarrasse de sa veste, puis tire de sa poche un flacon qu'elle montre à son compagnon. Du lubrifiant, quasi inentamé. Vision qui suscite chez lui une vague horreur. « En fait, il vaut sans doute mieux que vous ne bougiez pas, » ajoute-t-elle. « Ce sera déjà assez gênant comme ça. » Il se lève lui aussi et, à vrai dire, il recule. Son agitation, bon, ce n'est pas drôle, pas vraiment. Mais sa réaction procure malgré elle à Sienit un certain soulagement. Un soulagement mêlé. C'est lui, le plus faible des deux, malgré ses 10 anneaux. C'est elle qui va devoir porter un enfant dont elle ne veut pas. Un enfant qui va peut-être la tuer et qui, quoi qu'il en soit, va changer à jamais son corps, sinon sa vie. Mais au moins, ici et maintenant, c'est elle qui a le pouvoir. L'événement en devient, eh bien, pas précisément normal, mais plus acceptable, d'une certaine manière, du fait que c'est elle qui dirige les opérations. On n'est pas obligé, laisse échapper son hôte. Je peux dire non. Il fait la grimace. Vous, non, mais moi, si, alors... Ne dites pas non, proteste-t-elle mécontente. Hein? Et pourquoi? Vous l'avez dit. Moi, je suis obligée, vous, non. Si ce n'est vous, ce sera quelqu'un d'autre. 6 enfants. Feldspath a eu 6 enfants. Alors qu'elle n'a jamais été particulièrement prometteuse en tant qu'orogène, contrairement à Sienit. Si Sienit ne se montre pas très prudente, si elle contrarie les gens qu'il ne faut pas, s'ils en viennent à l'étiqueter difficile, ils tueront sa carrière dans l'œuf et la signeront au fulcrum en permanence. Il ne lui restera qu'à écarter les jambes, puis à transformer en bébé, paix et grognement masculin. Si jamais les choses tournent de cette manière, elle aura bien de la chance de n'avoir que 6 enfants. Son compagnon la fixe comme s'il ne comprenait pas. Alors qu'il comprend, elle le sait. « Je veux en finir avec ça », ajoute-t-elle. C'est le moment qu'il choisit pour l'étonner. Au lieu de bredouiller les protestations auxquelles elle s'attendait, il détourne le regard, les poings crispés, le muscle de la mâchoire palpitant. Il est toujours aussi ridicule dans sa robe chiffonnée avec ses cheveux aplatis d'un côté, mais il a l'air... On dirait qu'il vient d'être condamné à la torture. Sienit n'est pas très séduisante, elle en a bien conscience, ou du moins ne correspond-elle pas au canon de la beauté équatoriaux. C'est une authentique bâtarde des moyennes. Mais il n'est visiblement pas bien né non plus. Il suffit de voir ses cheveux, sa peau si noire qu'elle en paraît presque bleue, son petit gabarit. Il fait la même taille qu'elle, une haute taille pour un homme ou une femme, mais sa minceur l'empêche d'avoir l'air robuste ou intimidant. S'il compte des Sandiens parmi ses ancêtres, ils sont fort loin dans le passé et ne lui ont rien légué de leur supériorité physique. En finir, marmonne-t-il. Très bien. Le muscle qui palpitait dans sa joue tressaute à présent littéralement, vu la manière dont il serre les dents, et... Oh, il ne regarde pas Siennit, qui en est soudain ravie, car c'est de la haine qu'elle lit sur son visage. Elle en a déjà lu sur celui d'autre Rogène. Oh, rouille! Elle en a éprouvé elle-même quand elle pouvait jouir d'un moment de solitude et d'honnêteté sans entrave. Mais elle ne l'a jamais montré de cette manière. Elle fait de son mieux pour ne pas tressaillir lorsqu'il relève les yeux vers elle. Vous n'êtes pas d'ici, dit-il d'un ton froid. Elle comprend à retardement qu'il s'agit d'une question. Non. Ça ne lui plaît pas d'être celle à qui on pose les questions. Et vous? Oh, moi si, j'ai été conçu sur ordre. Il sourit. C'est bizarre de voir un sourire plaqué sur autant de haine. Je suis encore moins le fruit du hasard que ne le sera notre enfant. Deux des lignées les plus vénérables et les plus prometteuses du Fulcrum sont réunies en moi, à ce qu'on m'a dit. Un gardien a veillé sur moi presque dès ma naissance. Il enfouit les mains dans les poches de sa robe froissée. Vous êtes une sauvage. La conclusion est sortie de nulle part, au point que son interlocutrice se demande une seconde s'il s'agit d'un nouveau synonyme de gêneuse, avant de comprendre de quoi il retourne. Alors là, ça dépasse ses bornes. Dites donc, je me fiche de vos anneaux. C'est comme ça qu'il vous appelle, veux-je dire. Il sourit de rechef. Son amertume reflète si bien celle de Siennit qu'elle se tait, déconcertée. Au cas où vous ne le sauriez pas. La plupart des sauvages, ceux qui viennent de l'extérieur, ne le savent pas, ou alors ils s'en fichent. Mais quand un orogène naît de parents banals, dans une famille où la malédiction n'était jamais apparue, c'est comme ça qu'ils y pensent. Un chien sauvage, un bâtard, comparé à ma lignée de race pure, domestiquée. Un accident, alors que j'ai été planifié. Il secoue la tête, ce qui fait trembler sa voix. Ça signifie qu'ils ne vous ont pas prévu. Vous êtes la preuve qu'ils ne comprendront jamais leur eugénie. Ce n'est pas de la science, qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils ne nous maîtriseront jamais, pas vraiment, pas complètement. Siennit se demande que répondre. Elle ne savait pas pour cette histoire de sauvage, elle ne se savait pas différente. Même si, maintenant qu'elle y pense, la plupart des orogènes de sa connaissance sont nés au Fulcrum. D'ailleurs, elle a remarqué qu'ils la regardaient d'une manière particulière. Simplement, elle en a accusé leurs origines à tous, équatoriale pour eux, moyenne pour elle, ou le fait qu'elle a gagné son premier anneau avant eux. Mais maintenant que son hôte en a parlé, est-ce un inconvénient d'être une sauvage? Sans doute. Si les sauvages sont imprévisibles. Bon, les orogènes doivent prouver leur fiabilité. Le Fulcrum a une réputation à soutenir. Ça fait partie de l'ensemble. D'où l'entraînement, l'uniforme, les innombrables règles imposées, y compris à la reproduction. Bien sûr, car que ferait-elle là autrement? Malgré son statut de sauvage, les seigneurs veulent donc insuffler quelque chose d'elle dans leur lignée. C'est assez flatteur quand elle y réfléchit. À ce moment-là, elle se demande pourquoi une partie de son être cherche à se glorifier de son avilissement. Perdue dans ses pensées, elle est surprise par le soupir las qui signe la capitulation de son interlocuteur. Vous avez raison, dit-il d'un ton sévère. Il se montre très pragmatique maintenant parce que, ma foi, ça ne pouvait guère se terminer que comme ça. Rester pragmatique leur permettra de conserver un semblant de dignité. Désolé. Vous, route terrestre. Oui, finissons-en avec ça. Il gagne donc sa chambre, où il se déshabille, s'allonge, et essaie un moment de se mettre en condition, sans résultat. Seul inconvénient d'avoir affaire à un homme relativement âgé, décide Siennit. Quoique, à vrai dire, les relations sexuelles se passent rarement bien quand on n'en a pas envie, ce qui suffit à expliquer la panne. Elle s'assied à côté de lui en conservant une impassibilité forcée, repousse ses mains pour avoir le champ libre, mais laisse échapper un juron devant son embarras manifeste. S'ils se sentent gênés, ça va leur prendre la journée. Il y arrive malgré tout quand elle passe à l'action. Peut-être parce que, les yeux fermés, il s'imagine être caressé par quelqu'un d'autre. Elle le chevauche alors, les dents serrées, à en avoir les cuisses douloureuses et les seins meurtris par le tressautement. Le lubrifiant ne lui est pas d'une grande aide, elle ne trouve pas ça aussi agréable qu'avec les doigts ou un gode. Mais enfin, les fantasmes du type se révèlent suffisants. Il finit par lâcher une sorte de gémissement nerveux. Mission accomplie. Elle enfile déjà ses bottes quand il s'assied en soupirant, si lugubre qu'une vague honte envahit la jeune femme à la pensée de ce qu'elle vient de faire. « Comment tu t'appelles déjà ?» demande-t-il. « Sienit. »« C'est le nom que t'ont donné tes parents ?» Elle lui jette un regard noir. Les lèvres du type se tordent en une parodie de sourire. Désolé, je suis jaloux, c'est tout. Jaloux? Je suis né au Fulcrum, tu te rappelles? Je n'ai jamais eu qu'un seul nom. Ah, il hésite. Apparemment, ce n'est pas facile pour lui. Je m'appelle. Elle l'interrompt parce qu'elle sait déjà ce qu'il va dire et qu'elle n'a de toute manière aucune intention de l'appeler autrement que vous. Ça devrait suffire à le distinguer des chevaux. Felspas m'a prévenu qu'on partait demain, pour Alia. La seconde botte enfilée, elle se lève et met le talon en place d'un coup de pied. Une autre mission, déjà? Il soupire. J'aurais dû m'en douter. Il aurait dû, en effet. Vous me servez de mentor. On doit débarrasser le port du corail qui gêne. Bon. Il se doute aussi que c'est une mission à la con. On ne peut l'en charger que pour une seule raison. On m'a donné un dossier d'information hier. Je suppose que je vais m'y attaquer. Je te retrouve aux écuries à midi. C'est vous le Dizano. Il se frotte le visage des deux mains. Elle se sent un peu gênée, juste un peu. Bon, conclut-il, très pragmatique une fois de plus. Midi. Elle repart, meurtrie, agacée d'avoir été contaminée par l'odeur de cet homme et fatiguée. Sans doute à cause du stress. À l'idée de passer un mois sur la route, en compagnie de quelqu'un qu'elle ne supporte pas, à faire des choses qu'elle n'a aucune envie de faire, sur l'ordre de gens qu'elle déteste de plus en plus. Mais c'est ça, être civilisé. Obéir à ses supérieurs pour le bien ostensible de tous. Et puis, ce n'est pas comme si elle n'avait rien à y gagner. Un an d'inconfort, un bébé qu'elle n'aura pas à élever, puisqu'il sera remis dès sa naissance à la crèche de base, une mission prestigieuse remplie sous la supervision d'un seigneur puissant. L'expérience et la réputation qu'elle en tirera la rapprocheront énormément de son cinquième anneau. Son propre appartement, fini, la chambre partagée, des missions plus intéressantes, des permissions plus longues, davantage d'influence sur le cours de sa propre existence. Ça en vaut la peine. Feu terrestre, oui, ça en vaut la peine. Elle se le dit et se le répète en regagnant ses quartiers, où elle prépare ses bagages, range ses affaires pour tout retrouver en ordre à son retour et prend une douche. Non sans frotter méthodiquement le moindre centimètre carré de peau à sa portée jusqu'à ce qu'il pique. Dites-leur qu'ils seront peut-être un jour aussi grands que nous. Dites-leur que leur place est parmi nous, si mal que nous les traitions. Dites-leur qu'ils doivent conquérir le respect accordé d'office à d'autres. Dites-leur qu'ils ne peuvent être acceptés en deçà d'un certain niveau, rien de moins que la perfection. Tuez ceux qui se moquent de ces contradictions. Dites à ceux qui restent que les morts méritaient l'annihilation, pour leur faiblesse et leurs doutes. Ils se détruiront eux-mêmes dans leur quête de l'impossible. Erlset, 23e empereur de la filiation équatoriale sansienne, dans la 13e année de la saison des crocs. Déclaration enregistrée lors d'une soirée, peu avant la fondation du Fulcrum.